Si je puis seulement toucher Jésus, je serai sauvée. Si je puis connaître sa parole, je serai bénie. Yeah, Jésus a banaké, il est manaïséo. Si je puis seulement le connaître, je serai sauvée.